ce lundi à Assemblage requis. Pour coïncider avec le changement de nom de la pilule du lendemain, Martin Bertrand parle du bonheur en pilule. D'ailleurs, on va aussi animer toute l'émission avec un suppositoire. Et pour nous aider à les enfoncer, Maxime Lemulaire. Shit, je sais pas si ça va être diffusable, celle-là. Ah, on me confirme que non, ça passe pas finalement. Puis, hey, j'ai le docteur Paul Caca justement au téléphone qui est en train de me dire. Ok, Maxime, tu sais, ça va être tout. Assemblage requis, aujourd'hui 15h.